non, si? Yeah. Ok, j'ai autant de faces qu'il y a de nas dans ce pays. Autant de classes qu'il y a de tasses dans le délire. Autant de... C'est quoi ce truc? J'ai autant de faces qu'il y a de nas dans ce délire. Autant de classes qu'il y a de... Ah merde! J'ai autant de faces qu'il y a de nas dans ce délire. Autant de classes qu'il y a de tasses dans ce pays. Autant de blases qu'il y a de merde dans la playlist. Pro, tu vois, occupe-toi de mon pénis. J'ai autant de flow qu'il y a... Ah ouais, mais tu me le mets tout le temps. J'ai autant de faces qu'il y a de nas dans ce pays. Autant de classes qu'il y a de tasses dans ce délire. Autant de blases qu'il y a de merde dans la playlist. Pro, tu vois, occupe-toi de mon pénis. Autant de flow qu'il y a de mots dans le dico. Autant de flow qu'il y a de faux dans le hip-hop. Autant de flow qu'il y a de compris pour icône. Oh, arrête de prendre pour un people. Dis donc, ce beat serait pas un peu schizo? Parfait, rare comme un bison. Disons que nous disons un peu trop pour l'amour du frisson. Quitte à se dire est-ce qu'on sera encore vivant dans 10 ans. T'as autant de style qu'il y a de changement dans l'instru. Oh, tu t'es dit c'est bon, ok maintenant. Oh, je fais du rap. Même si c'est en tôle que tu finiras. Comme ça tu seras trop cool, tu seras un vrai gangster. T'en profiteras pour écrire 2-3 mixtapes. T'imagineras tout le monde venir à ton concert. Puis tu lèveras la tête et tu me verras sur scène. C'est pourquoi? Parce que j'ai autant de faces qu'il y a de nas dans ce pays. Autant de blases qu'il y a de tasses dans ce délire. Autant de classes qu'il y a de merde dans la playlist. Prod du voix, occupe-toi de mon pénis. Autant de flow qu'il y a de mots dans le dico. Autant de flow qu'il y a de faux dans le hip-hop. Autant de flow qu'il y a de compris pour icône. Arrête de prendre un peu pour un people.